ces luttes dans les centres de rétention, ça va me faire, je sais pas comment dire, transitionner là vers les luttes anticarcérales en général. Et du coup, j'avais envie de vous lire, pareil, un petit peu les dernières nouvelles des luttes dans les prisons. C'est une lettre des prisonniers de Riom, qui est la prison dans le Puy-de-Dôme. C'est sur le site le numéro 0 tout attaché point l'autre point net. Et du coup, Riom Puy-de-Dôme, lettre collective de la cellule des prisonniers révoltés. Donc, c'est une lettre qui date de fin septembre, il me semble. Je vous la lis. Madame, Monsieur, nous, détenus, mais humains avant tout, sommes désolés de constater qu'en 2019, dans un pays comme la France, on continue de soumettre notre propre peuple à la détention bestiale et dans des conditions que nous refusons. Nous subissons nombre de traitements inhumains et indignes de pays qui se disent civilisés. Les grilles que l'on impose aux fenêtres, en plus des barreaux, dans une prison neuve comme celle-là, prouvent que la France n'a que faire des réglementations, mais voudrait nous inculquer à nous le respect des lois, et ce par l'humiliation permanente, le rabaissement, la déshumanisation et des violences psychologiques. Je suis objecteur de conscience. Et nous nous interrogeons. Sommes-nous encore des humains? Ou le détenu est-il encore un sous-genre qui ne mérite pas cette qualification? Blessés dans notre humanité et nos existences, nous pensons que tout pays qui continue de se servir de ces lieux, ces camps de la mort des idées et de la liberté, celle d'être et d'exister, s'inscrit dans une longue ligne de barbares rétrogrades animés plus par la vengeance que par le désir de soigner et réinsérer une humanité blessée. Faire souffrir celui qui souffre n'est ni plus ni moins que de la cruauté. Et le faire sur une masse, c'est une insulte au fondement élémentaire de toute société moderne. Il porte gravement atteinte à la Déclaration des droits de l'homme. Et si nous sommes nés libres et égaux en droits et devoirs, nous ne le sommes pas restés longtemps. Pour nous, c'est clair, cette séquestration, cette prise d'otage, nous porte atteinte dans nos existences, dans nos vies et notre humanité. Et elle est donc criminelle, puisque les violences énoncées plus haut, selon le code pénal, sont des crimes. La France a servi son peuple, le soumet et le met à genoux. Comment appelle-t-on un pays, un État, qui muselle son peuple et ou l'enferme quand il donne son avis? Tout ça avec la complicité de la police. Nous accusons cet État, la France, de se rendre coupable de crimes contre l'humanité. Et vous appelons à nous suivre dans notre lutte pour la liberté par tous les outils que nous avons à disposition. De notre côté, tout est fait pour que même en ce lieu, le mot « liberté » ait encore un sens, en nous organisant et en faisant tout pour préserver l'intégrité de nos droits civiques. La lutte continue, rejoignez-nous et défendez vos droits et votre liberté. Des « otages » entre guillemets, libres. Et du coup, c'est signé CPR, Cellule des prisonniers révoltés. Voilà, et ça nous vient de Riom. Enfin, moi, du coup, je réagis là-dessus parce que c'est toujours super, super, super important de parler et des CRA et des prisons et de ce qui se passe. Parce que de fait, on ne sait pas souvent ce qui s'y passe à l'intérieur. Moi, j'ai écouté une émission de radio, L'Envolée, où il y avait une conjointe d'un détenu de la prison de Réau qui était là. Et qui racontait, elle, que, en gros, normalement, un détenu, il a le droit d'avoir un colis tous les mois. Et bah, déjà, les détenus de Réau, ils leur ont supprimé les machines à laver et les sèche-linges. Donc, tous ceux qui n'ont pas de famille, qui peuvent les voir avec du linge propre, c'est. Ils sont dans la merde, quoi. Enfin, Littéralement. voilà. Et en plus, non content de ça, les matons, en fait, ils trouvent que, quand même, les détenus, ils ont beaucoup trop de droits, ils ont beaucoup trop de trucs, parce que il y en a qui ont quand même des radios, des machines à raser, des. Et bah, du coup, ils ont fait un communiqué pour la directrice de la prison. Qui dit que en gros, ils s'offusquaient de voir tout matériel électronique qui leur facilite un petit peu la vie quand même, voilà, Ils s'offusquaient de ça et bah du coup ils ont eu gain de cause. Ils ont eu gain de cause depuis. Ils n'ont plus le droit de faire passer des radios et du matériel électronique, quoi. Merci les matons, c'est vous servez bien l'État. Vous êtes vraiment des grosses, grosses pourritures du système. C'est clair. Et ben, du coup, merci pour compléter les infos Antica. Et du coup, effectivement, on peut choper des infos sur l'envolée.net, hein, en termes d'anticarcéral. Et puis, du coup, en plus de cette émission de radio qui est aussi un blog et une revue papier, il y a aussi l'émission de la petite cuillère sur la radio Radio Canu à Lyon, qui est pas mal. Et puis, il y en a peut-être d'autres aussi. Oui, vas-y. Effectivement, il y a l'émission de la petite cuillère à Lyon, mais il y a aussi l'émission Yo-Yo à Toulouse sur Canal Sud. Mais c'est con parce que la petite cuillère et Yo-Yo, c'est sur la même tranche d'horaire en même temps. Du coup, on peut pas écouter les deux en même temps. Mais Après, il y a des podcasts, on peut c'est vraiment ça. écouter aussi les podcasts. Du coup, bon, pour finir avec ce communiqué qui était très intéressant aussi de la prison d'Eurium, il rappelle qu'en avril dernier, il y avait aussi des prisonniers qui avaient réussi à monter sur les toits pour dénoncer leurs conditions de détention. Donc, voilà. Ce qui est quand même une méthode un peu classique, mais quand même assez rare de réussir à faire ça sans se faire complètement réprimer. Bref, voilà pour l'anticarcéral. Alors, l'anticarcéral va m'amener à parler aussi d'antirépression plus globalement. Du coup, juste pour rappel, la manifestation de samedi dernier, oui, c'est ça, donc l'acte 47 des Gilets jaunes, était sur la thématique de l'antirépression et particulièrement sur la thématique de l'anticarcérale. Et du coup, la dernière assemblée de Gilets jaunes, je crois, au niveau national ou quoi, en tout cas, avait décidé d'une manif anticarcérale le 4 octobre devant la prison de Nîmes. Bon, j'ai cherché des nouvelles, j'en ai pas trouvé. Je pense que cette manifestation a eu lieu quand même. Et du coup, le lendemain, le samedi 5, il y avait donc l'acte 47 qui était globalement sur le thème de l'antirépression et de l'anticarcéral en particulier. Et du coup, c'était un appel national à Montpellier. Oh, voilà, vous avez peut-être suivi. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de répression comme d'habitude. Il y a eu un joli feu de voiture de keuf. Enfin bref. Voilà, après ça, je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé sur l'acte 47. Par contre, je vais vous passer le son de l'appel anti-rep pour le 5 octobre, parce que j'ai trouvé que c'était pas mal sympa. Du coup, je vous fais écouter ça. Ça dure pas très très longtemps. De lutte, de blocage, de manif sauvage, de solidarité, pour en finir avec ces conditions de vie pourries, pour qu'enfin tout le monde vive bien. Nous sommes entrés en lutte et nous pouvons en être fiers. Mais si le mouvement est une force collective, c'est seul que l'on se retrouve face au juge. Seul, isolé, voilà comment ils tentent de nous avoir. En brisant les liens qui nous unissent, en brisant l'organisation de la lutte. Association de malfaiteurs, attroupement en vue de commettre des dégradations. À chaque fois qu'on nous attaque, c'est sur le fait d'être ensemble. Mais on peut se défendre. Notre force collective peut faire face à la justice. Les juges, les procureurs et souvent même les avocats nous racontent des conneries. Ils nous méprisent. S'ils agissent ainsi, c'est parce qu'au fond, ils ont peur de perdre leur statut de classe dirigeante. Qu'ils nous entendent bien. S'ils touchent à l'un ou l'une d'entre nous, c'est à l'ensemble du mouvement qu'ils s'en prennent. Cette société de misère et d'exploitation, nous n'avons pas à rougir de vouloir la faire tomber. Nous avons relevé la tête et les juges ne nous feront pas baisser les yeux. La vague de procès qui s'annonce en automne sont autant de batailles à mener. Mais la riposte s'organise. Partout, des commissions de défense collective se créent pour qu'on puisse s'organiser face à la répression. Pour marquer le coup, nous appelons à une journée de manif et d'action le samedi 5 octobre en solidarité avec toutes les personnes inculpées ainsi que pour exiger la libération de tous les prisonniers. Plusieurs actions sont déjà en préparation. Des péages gratuits pour récolter de la thune pour les frais de justice, des manifs approchant au plus près des prisons, des parloirs sauvages, des occupations de tribunaux, la diffusion de numéros d'écrou afin que nous puissions tous communiquer avec nos camarades incarcérés. Gilets jaunes, retrouvons-nous localement pour organiser cette journée de lutte. Défendons le mouvement, libérons tous les prisonniers et les prisonnières, vive la révolution! On vient d'entendre en fait l'appel des GJ pour le 4 et 5 octobre, enfin un extrait en tout cas, donc contre la répression et contre les prisons. Et j'ai trouvé que c'était pas mal en fait comme appel. Je trouvais que c'était cool en fait que le mouvement Gilets jaunes produise ce genre de. d'analyse, de réflexion. Ça m'a fait penser à un tract que j'avais vu circuler d'ailleurs dans une manif gilet jaune à la rentrée à Nantes, qui faisait le lien aussi effectivement entre la répression du mouvement et puis l'anticarcéral et puis l'antirépression, quoi, la nécessité de lutter finalement. Oui, c'est ça, d'avoir une vraie lutte au sein du mouvement de soutien en fait aux gens qui sont arrêtés, que ce soit devant les commissariats ou jusqu'à la prison, effectivement. Et je trouve ça chouette en fait que là, l'ensemble du mouvement en fait est visiblement ce genre d'analyse aussi, et qu'il y ait un vrai travail de fait en fait autour de la répression, enfin de l'antirépression et de l'anticarcéral. Et du coup, lié à ça, sur les sites de Gilets jaunes aussi, par rapport à ce week-end spécial anti-rep, anti-ca, j'ai trouvé aussi une vidéo qui s'appelle « Stop aux violences policières », qui a été, j'ai l'impression, réalisée aussi par les Gilets jaunes, et qui, je pense, est un peu complémentaire en fait, de cet appel, et il y a plus de contenu, quoi. Et c'est fait aussi... il y a des personnes, donc Gilets jaunes qui interviennent, mais aussi des personnes qui font partie d'autres groupes comme Justice Vérité pour Adama ou Steve, ou, etc. Et du coup, c'est très intéressant, ça rappelle vraiment les violences policières en France. C'est assez chouette, donc c'est pareil, je vais vous passer ce son-là, qui est un tout petit peu plus long, mais qui fait un bon résumé, en fait. Enfin, c'est un très bon argumentaire en quelques minutes de c'est quoi les violences policières, qu'est-ce qui se passe, en fait, et pourquoi... Pourquoi là on est opposé en fait à la police, quoi, et c'est quoi qui se passe en fait, c'est ça, quoi. Il y a tellement de violences policières et comment ça fonctionne. Du coup, je vous laisse écouter ça, ça dure 6 minutes 30. En France, au cours des 42 dernières années, 578 personnes sont décédées à la suite d'une intervention des forces de l'ordre, soit à peu près l'équivalent de l'Assemblée nationale. 6% étaient des femmes et 12% des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans. 92% étaient de sexe masculin et la moitié des morts avaient moins de 26 ans. Près de la moitié de ces affaires se déroulent en banlieue parisienne et au sein de nos grandes villes comme Grenoble, Marseille, Rennes, Nantes, alors que moins d'un quart de la population y vit. Nous le savions, mais aujourd'hui plus personne ne peut l'ignorer, et ce depuis le 17 novembre 2018. Alors pourquoi les procédures de maintien de l'ordre ne sont pas suivies en ces lieux? Pourquoi l'usage de la force y est disproportionné? Pourquoi les enquêtes ne sont toujours pas résolues? Pourquoi ne parle-t-on pas dans les médias traditionnels? Parmi ces 578 personnes, 352 ont été tuées par arme à feu, plus de la moitié. Et les parties du corps les plus fréquemment touchées par les balles mortelles sont la tête, le cœur et la nuque. C'est le cas de mon frère Guy. Le 16 janvier 2018, la police l'a abattu froidement d'une balle dans la tête après avoir tiré 8 fois. 8 fois pour être sûr de ne pas le louper. Il n'était même pas armé, ils l'ont assassiné. Ou encore plus récemment, en mars 2019 à Grenoble, Adam Soli et Fatih Karakus, deux jeunes de 17 et 19 ans, morts parce qu'ils étaient poursuivis par un véhicule de la BAC. 14% sont morts dans le cadre d'une course-poursuite, comme Moussine Seouli, 15 ans, et Larami Samoura, 16 ans, percutés en novembre 2007 à Villiers-le-Bel par une voiture de police qui les poursuivait à vive allure sans tenir compte du danger. Lamine Dieng était tué la même année, par asphyxie. 8 ans que les responsables vivent en paix, alors que la famille attend que justice soit faite. Plus loin encore, en 2005, à Clichy-sous-Bois, Bouna Traoré et Ziad Bena, 15 et 17 ans, perdaient la vie après une course-poursuite avec la police qui n'a eu de cesse de les traquer. 11% des décès sont liés à un malaise ou une asphyxie. Mon frère, Adama, en fait partie. Ces techniques d'immobilisation par les forces de l'ordre sont interdites dans plusieurs pays frontaliers européens, dans plusieurs États aux États-Unis, mais elles continuent d'être pratiquées en France. Ce jour-là, mon frère Adama a porté plus de 250 kilos, le poids de 3 gendarmes. Il a subi un plaquage ventral. L'écrasante majorité des victimes de ces techniques-là sont des Noirs et les Arabes. Nous connaissons la vérité. La France, le monde entier la connaît. Les gendarmes ne sont toujours pas inquiétés. Nous sommes dans un déni de justice. L'État, les tribunaux, les experts se partagent le pouvoir pour étouffer l'affaire. Nous n'abandonnerons jamais. Un pays sans justice est un appel à la révolte. Les chutes et les noyades représentent, elles, 7% des décès. Dernièrement, Steve Maya Canisso, qui fêtait la musique en juin dernier avec ses amis à Nantes, s'est noyé dans la Loire après une charge violente de la police. Immédiatement, après avoir retrouvé son corps, l'État a écarté toute responsabilité des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas tout. Parmi les 352 personnes tuées par balle, 60% n'étaient pas armées. Alors à quel moment peut-on s'octroyer le droit de tirer sur une personne désarmée? Quand déciderons-nous de dénoncer l'inacceptable? Le militant écologiste Rémi Fraisse était présent sur le site du barrage de Sivens au moment où il a reçu une grenade qui l'a tué en octobre 2014. Quand beaucoup portent l'uniforme pour protéger et servir, d'autres, enragés, blessent, mutilent ou même pire, se sentant protégés. Sawyer Liu, père de famille de 56 ans, a été tué à son domicile par un policier de la brigade anti-criminalité le 26 mars 2017 et ce devant deux de ses cinq enfants. Ils ont défoncé la porte, tiré sur lui en plein thorax sans sommation. Nous exigeons que la vérité soit établie, que celui qui a commis cet homicide soit jugé et que ceux qui ont cherché à étouffer, déformer et manipuler la vérité soient sanctionnés. Il est inadmissible que deux ans après, un non-lieu ait été prononcé. Des cas isolés ? Non. La répression a toujours été omniprésente, exercée depuis toujours en banlieue, qui sont en réalité de grands espaces d'entraînement des forces de l'ordre, des grands laboratoires d'essais du LBD. En février dernier, le Conseil d'État a rejeté les demandes de suspension de l'usage du lanceur de balles de défense LBD dans les manifestations de Gilets jaunes. La France est l'un des rares pays européens à toujours utiliser le LBD, banni pourtant depuis longtemps de l'arsenal des forces de l'ordre chez nos voisins européens. Et ne parlons même pas des grenades de désencerclement pouvant mutiler lourdement et toucher les enfants, les parents et les touristes présents dans le périmètre. C'est ainsi qu'au sein du mouvement des Gilets jaunes, 25 personnes ont été visées à l'œil et en ont perdu l'usage. 5 personnes ont eu la main arrachée et une personne a perdu l'audition. Depuis des années, la plupart des grands médias travestissent la réalité et nous opposent les uns aux autres. Il faut que cela cesse. Informons-nous autrement, différemment, correctement. Faisons fonctionner notre esprit critique. Que ce soit dans un contexte de chasse à l'homme, comme c'est le cas en banlieue, que ce soit pour maintenir l'ordre dans un lieu festif, pour nous dissuader de manifester pour des conditions de vie dignes ou pour alerter sur le dérèglement du climat. Il est clair que le ministère de l'Intérieur use de méthodes qui dépassent l'entendement, des méthodes qui ne respectent pas la déclaration des droits de l'homme si fièrement initiée par la France. Est-il normal de tirer des grenades en plein centre-ville, au milieu des habitations, sans avoir au préalable sécurisé les lieux ? Est-il normal que Zineb Redouane ait été touchée par une grenade alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de son domicile? C'est pourtant ce qu'il s'est passé le 1er décembre 2018 à Marseille. Morte à l'hôpital le lendemain, après avoir été grièvement blessée, le responsable de son décès refuse de se dénoncer et la justice ne fait rien. Je porte l'uniforme, donc j'ai le droit de te manquer de respect, d'abuser de mon autorité, d'user de la force, même si la situation ne l'exige pas. J'ai le droit de te tuer, j'ai tous les droits. De toute façon, jamais je n'irai en prison pour ça. Qu'est-ce que tu crois ? On fait pression sur les médecins légistes, les experts travaillent pour nous, la police enquête sur la police. Tu crois quand même pas qu'elle va nous sanctionner ? Les juges sont amis avec nos patrons, ils sont tous corrompus et au fond de toi, tu le sais très bien. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Attendre qu'un de tes proches soit tué pour dire stop ? Joignez-vous à nous pour demander des sanctions et des condamnations pour les responsables de ces dérives. L'arrêt de l'usage du LBD. La création d'un organe indépendant pour enquêter. Stop à l'IGPN. Le renvoi du ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'État. Yes, c'est toujours Radio Cayenne. excuse-moi. Du coup, voilà, on vient d'entendre une vidéo contre les violences policières. Enfin, oui, c'est ça. En fait, on vient d'entendre une vidéo. Et je viens de me rendre compte de ce que je dis, de ce que je raconte. Mais c'est exactement ça. C'est parce que c'est une vidéo à la base, mais bon, une vidéo dont les images sont pas très intéressantes. On voit juste les gens qui parlent. Donc voilà. Et par contre, je trouve que c'est assez efficace en fait, comme voilà, comme 5-6 minutes comme ça, qui rappellent bien des choses. Et donc, on était en train de parler d'anticarcéral, et du coup, bah là, on avait un peu dérivé sur de l'anti-rep en général, quoi, on va dire. Et du coup, on se recentre sur l'anticarcéral, et je vais vous parler de l'attaque de la prison de Maxéville à Nancy. Donc voilà, enfin une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas que les mouvements dans les prisons soient des mauvaises nouvelles, hein, c'est des bonnes nouvelles, mais bon. Souvent, ça dénonce des trucs un peu horribles qui se passent, donc ça nous fait pas très plaisir quand même, mais ça nous fait plaisir que les mouvements existent. Et là, cette fois-ci, nous avons une revendication qui est apparue sur le site d'Indymedia Nantes en fin de mois dernier ou début de ce mois-ci, je ne sais plus. Alors, ça s'intitule « État nucléaire égale État policier ». Le vendredi 27 septembre, la prison de Nancy-Maxéville a été attaquée pour dénoncer la répression de l'État nucléaire. La veille de la manifestation contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, le Vent de Bure, c'était ça le nom de la manifestation, à Nancy, nous avons symboliquement, entre parenthèses, attaqué la prison de Maxéville afin de saluer nos prisonniers, prisonnières et camarades victimes de la répression et pour poser un signal fort en faveur d'une société sans prison. Nous avons marqué les murs de peinture, cassé plusieurs vitres des bâtiments administratifs, tiré des feux de Bengale et fumigènes dans la cour de la prison et salué les prisonniers avec des feux d'artifice aux alentours de la prison. L'action a été sécurisée par des obstacles et des barricades enflammées. Un état nucléaire signifie toujours un état policier. La mise en œuvre de cette technologie patriarcale implique forcément la centralisation et l'accumulation de pouvoir. Elle est tout simplement impensable sans l'appareil répressif le protégeant. La répression étatique, par rapport à la résistance croissante autour de Bure, est massive. Des personnes se font contrôler, sont observées, reçoivent des interdictions de territoire et de rentrer en contact les uns une avec les autres, sont arrêtées et sont enfermées. Un mouvement se doit de s'occuper de ces prisonniers-prisonnières. Tandis que samedi, des milliers de personnes ont pris la rue contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires, nous voulons rappeler que déjà à ce jour, certaines payent le prix fort pour cette lutte. Amour et force à toutes les prisonniers prisonnières. Fire to all prisons. Stop CIGEO. PS, avec notre action, nous envoyons également des signaux de fumée vers Hambourg à nos camarades Loïc et aux 3 du banc du parc. Voilà, donc ça c'était le communiqué de, je sais pas comment dire, de revendication d'un groupe qui a attaqué la prison de Nancy-Maxéville la veille de la grande manifestation Van de Bure, dont on va parler ensuite. Ça fait une magnifique transition, du coup. Juste pour dire un petit peu comment ça a été traité dans les médias plus classiques, c'était vraiment drôle, je crois. En fait, faut lire les articles de la presse mainstream, c'est très rigolo, quoi. Et c'est entre 6 et 8 personnes de type Black Bloc ont attaqué la prison, enfin bref, enfin voilà. Mais il y a des très belles photos, hein. Du coup, il y avait des jolis tags sur la façade de la prison avec marqué feu aux prisons, tout ça. Enfin, ça fait toujours plaisir, ce genre de petite action, même si elle reste toute symbolique, hein, comme le disent les gens qui la revendiquent. La plus grande maison.